par ici la sortie, oh la tchoumi. L'amour m'a décroché. J'en fous d'être remplacé par le cash qui fait les